indépendants, ils nous emmerdent depuis longtemps. Les allées, les indépendants, les allées, les indépendants, les indépendants, les indépendants, les indépendants, les indépendants, les indépendants, les indépendants, ils nous emmerdent depuis longtemps. Les indépendants, ils nous emmerdent depuis longtemps.